Paul Arène, La Chèvre d'or, 9e partie. Chapitre 41. Gaëtan. Ma clé à la main, pourquoi l'avoir gardée? Je traverse précipitamment la placette toute noire sans un fanal. J'enfile des voûtes, des ruelles, une manière d'escalier taillée en zigzag dans la pierre vive. Je franchis la poterne à Machicouli, où se balancent, au gré d'un perpétuel courant d'air, d'énormes touffes de capillaires, et me voici embarqué bien dans l'ombre et précisément devant la pierre que mon imprudente escapade a fait s'écrouler l'autre jour. En levant la tête, j'aperçois, au-dessus de moi, le village, le château gazant, sa tour carrée, de vieux murs revêtus de lierre et, pour piédestal, une rive abrupte qui porte tout cela, une pyramide en gradin des trois jardins superposés. Mais un seul jardin m'intéresse, celui là-haut où se détachent, sur le ciel clair, passant et repassant, des ombres inquiètes. J'ai bien fait, d'ailleurs, de me hâter. À peine arrivé, trois des ombres enjambent le mur et prudemment se laissent couler le long du roc. Une quatrième suit, portant celle-là quelque chose comme un fusil en bandoulière. « Ecco, signor !» Aussitôt rejoint, les trois piémontais, car c'était eux, remettent je ne sais quoi à Galfard et s'empressent de détaler, le dos tourné au village, sans regarder derrière eux, roulant du talon dans les cailloux, s'embarrassant les jambes dans les genêts et dans les myrtes. Ils disparaissent. Galfard rassuré et désormais certain que c'est eux qu'on soupçonnera, s'assied sur le bord du chemin, tire de l'énorme poche transversale formant sac dans le dos de sa veste l'objet mystérieux que les fuyards lui ont remis et le regarde avec complaisance, car une vague lueur d'aube se mêle depuis quelques instants à celle pâlissante déjà des étoiles. Je reconnais la clochette de Misegiano, la clochette avec son collier. Je bondis, Galfard hurle, la clochette tombe en même temps que la massive clé de fer dont j'ai frappé et que je lâche pour m'armer de mon pistolet. Galfard s'est retourné, mon pistolet l'arrête. Il recule, vaincu, mâchant des paroles de menace et soutenant de la main gauche son poignet sanglant et meurtri. Je le croyais loin et déjà ramassé la précieuse clochette enfin conquise. Un appel me fait redresser. « Gaëtan !» crie Galfard, ce qui, en langage du puget mort, signifie, paraît-il, « garde-toi ». Et, à quelques 40 mètres, j'aperçois dans la clarté du jour levant mon enragé qui, de sa seule main valide, tient un fusil en joue et vise. J'ai un pistolet. Visons aussi à tout hasard. « Gaëtan !» crie encore Galfard. Sans m'attendre, il tire. Je tombe. Galfard a peut-être tiré trop tôt, mais après m'avoir averti. Et en somme, l'honneur est sauf.